me voilà donc enfin établi chez elle. Cet établissement ne fut pourtant pas encore celui dont je datais les jours heureux de ma vie, mais il servit à le préparer. Quoique cette sensibilité de cœur, qui nous fait vraiment jouir de nous, soit l'ouvrage de la nature et peut-être un produit de l'organisation, elle a besoin d'une situation qui la développe. Sans ces causes occasionnelles, un homme né très sensible ne sentirait rien et mourrait sans avoir connu son être. Tel à peu près j'avais été jusqu'alors, et tel j'aurais toujours été peut-être si je n'avais jamais connu Madame de Varan, ou si même l'ayant connue, je n'avais pas vécu assez longtemps auprès d'elle pour contracter la douce habitude des sentiments affectueux qu'elle m'inspira. J'oserais le dire. Qui ne sent que l'amour ne sent pas ce qu'il y a le plus doux dans la vie. Je connais un autre sentiment, moins impétueux peut-être, mais plus délicieux mille fois, qui quelquefois est joint à l'amour et qui souvent en est séparé. Ce sentiment n'est pas non plus l'amitié seule. Il est plus voluptueux, plus tendre. Je n'imagine pas qu'il puisse agir pour quelqu'un du même sexe. Du moins, je fus ami, si jamais on me le fut, et je ne l'éprouvai jamais près d'aucun de mes amis. Ceci n'est pas clair, mais il le deviendra dans la suite. Les sentiments ne se décrivent bien que par leurs effets.